Les caractères de la Bruyère. La première édition des caractères parut en fait, sans nom d'auteur, en 1688, sous le règne de Louis XIV, roi catholique, monarque absolu de droit divin. Le titre exact était « Les caractères de Théophraste, traduit du grec, avec les caractères ou les mœurs de ce siècle ». Le livre, fort mince en 1688, comprend des maximes et des portraits. Mais le succès des portraits est tel que La Bruyère va en accroître considérablement le nombre jusqu'à sa mort en 1696, alors qu'il préparait la 9e édition. Ces caractères ont été regroupés par La Bruyère en 16 chapitres, comportant chacun un titre que je vous donnerai au fil de lecture que je propose maintenant à votre attention. Chapitre 1 des ouvrages de l'esprit. Tout est dit, et l'on vient trop tard, depuis plus de 7 millions qu'il y a des hommes et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé. L'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. C'est un métier que de faire un livre, comme de faire une pendule. Il faut plus que de l'esprit pour être auteur. Un magistrat allait par son mérite à la première dignité. Il était homme délié et pratique dans les affaires. Il a fait imprimer un ouvrage moral qui est rare par le ridicule. Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable. La poésie, la musique, la peinture, le discours public. Quel supplice que celui d'entendre déclamer pompeusement un froid discours ou prononcer de médiocres vers avec toute l'emphase d'un mauvais poète. Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. On ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins qu'elle existe, que tout ce qui ne l'est point est faible et ne satisfait point un homme d'esprit qui veut se faire entendre. Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que l'expression qu'il cherchait depuis longtemps sans la connaître, et qu'il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter d'abord et sans effort. Quand une lecture vous élève l'esprit, et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'ouvrage. Il est bon et fait de main d'ouvrier.